Pardon. Donc du coup, on va accueillir la dernière association qui vient nous parler dans la journée solidarité logement. C'est le 115 du particulier. Donc je te donne la parole pour présenter un peu les actions que vous faites par rapport au logement et puis ce qu'on peut mettre ensemble en place. Oui, bonsoir. Alors le 115 du particulier, ça n'a rien à voir avec le 115 SAMU social. Le 115 du particulier, ce sont des particuliers qui se sont mis en mouvement. On va dire pompeusement que c'est un mouvement citoyen qui a décidé d'ouvrir plus ou moins leurs portes pour accueillir les sans-abri. En fait, il y a 5 ans, suite à une grosse colère sur la toile, on a frappé à la porte des particuliers pour accueillir les sans-abri. Et aujourd'hui, ça a fait un petit peu boule de neige. Et on comptabilise à peu près 4500 prises en charge dans l'année. Et tout ça orchestré par des citoyens. Alors en fait, le truc c'est que on a dressé un constat par rapport aux brèches sociales. Et notamment en matière de logement et en matière d'hébergement d'urgence. Alors aujourd'hui, on a des chiffres qui se précisent de plus en plus, surtout avec les rapports que la Fondation Abbé Pierre nous fournit, mais aussi la Cour des comptes, qui malgré tout reste une institution française, mais qui commence de plus en plus à casser le vase des informations. Il y a 2 ans, il était question de parler de 600 000 SDF en France. À ce moment-là, la Fondation Abbé Pierre disait qu'il y en avait 694 000. Aujourd'hui, sur le 22e rapport, on en est à 898 000 personnes privées de domicile personnel. Alors ça, c'est la nouvelle appellation, en fait, pour pas dire que le mec, il a pas de baraque. Mais en fin de compte, il y a toujours un sac à dos et il n'y a toujours pas de boîte aux lettres dessus. Alors, les centres d'hébergement d'urgence, ça marche surtout l'hiver. Ça va fermer il va y en avoir une grande partie qui va fermer avec la trêve hivernale. Ce qui fait qu'en fait le problème n'est même pas résolu, alors qu'en fait l'hiver c'est toute l'année. Les mecs ils partent pas en vacances. Et puis bon, il y a la pluie, il y a les intempéries, mais il y a le fait aussi de dormir dehors et puis de crever la gueule ouverte. Alors bien souvent, l'action sociale en France se résume à l'hébergement de nuit. À 8h du matin, on met le coup de pompe dans le cul au mec pour le remettre dans la rue. Et puis, il fait le grand écart pour aller manger dans un coin ou d'aller se laver dans un autre. Mais il n'y a jamais d'endroit complet où on peut réellement se reconstruire et puis gommer les deux questions les plus récurrentes dans l'esprit du sans-abri, c'est-à-dire où dormir et où manger. Le 115 du particulier a développé une communauté, peut-être la première d'ailleurs, peut-être une résonance aussi par rapport aux communautés Emmaüs, mais beaucoup plus certaine dans le sens où on essaye d'ouvrir un champ sur l'insertion. Déjà, on répond au toit, on répond à la bouffe, on répond à l'accompagnement administratif, on répond aussi à la démarche du logement, mais on répond aussi à la démarche professionnelle, puisque cette année, on a créé le premier parc d'insertion ouvert aux sans-abri. On a développé une exploitation forestière, on propose des formations professionnelles autour des métiers du bois. Et dans le courant de cette année, on va développer aussi la fabrication de chalets mobiles, qui est un peu le clou de notre association, puisque on a réalisé une étude en France et on s'est aperçu qu'entre la rue et le logement social, il n'y avait que dalle. Alors s'il y a le dalo, mais le dalo c'est un bout de papier, c'est la priorité. Et puis c'est une longue attente avant d'avoir quelque chose. Je crois que l'année dernière, pour 55 000 familles prioritaires d'Allo, il n'y en a pas eu 12 000 qui ont été relogées parce qu'il y a une absence totale de logement social. Donc nous, on a pensé créer des logements alternatifs sur base de chalets mobiles qu'on peut implanter n'importe où, dans n'importe quelle collectivité locale et n'importe quelle mairie. Pour vous dire, on a à peu près une centaine de mairies aujourd'hui qui nous ont commandé des chalets justement pour pouvoir les mettre dans des terrains communaux de façon à servir de transition entre la rue et le logement social ou l'attribution du logement social. C'est pas la solution au problème, c'est une solution. On n'a pas découvert un trésor non plus, mais avec trois fois rien, puisque la plupart de nos chalets sont fabriqués avec de la récup, et puis à moindre coût, quoi. Sur des châssis de caravane complètement déconstruites, on reconstruit un chalet par-dessus, et avec un confort tout basique, mais qui permet d'avoir un toit, déjà. Que dire de plus sur le 115 du particulier ? C'est un mouvement citoyen qui représente à peu près 19 000 personnes à l'échelle nationale. C'est des maraudes citoyennes qui se constituent ponctuellement dans les quatre coins de France, qui distribuent à bouffer dans tous les coins de rue sans demander à qui que ce soit, même pas une autorisation. Tout simplement parce qu'on répond à quelque chose qui s'appelle l'assistance à personne en danger. La rue, c'est des victimes, donc c'est des gens qui sont exposés aux prédations de la rue. Un chiffre assez impressionnant nous a été donné par le quotidien du médecin en juillet 2014. Il y aurait eu 6730 morts de la rue en 3 ans. Alors on est loin du chiffre distillé par le collectif des morts dans la rue, qui font ce qu'ils veulent puisque c'est que des morts déclarées, qui restent à peu près à 500 à l'année. Là, avec ce que nous pondait le quotidien du médecin, ça fait un peu plus de 2000 personnes par an quand même. C'est pour nous, à nos yeux, c'est presque un crime contre l'humanité, parce qu'en France, il y a quand même des lois qui existent et qui oblige normalement les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies ou les services publics, à répondre à toutes les détresses. Alors il y a deux articles majeurs, c'est l'article L345.2.2 et L345.2.3 du Code social, qui prévoit l'accueil inconditionnel du sans-abri. Donc si ces lois étaient respectées en France, il n'y aurait pas de sans-abri, tout simplement. Donc notre philosophie, c'est de revendiquer l'application de cette loi, justement, mais de dire aussi que n'importe quel citoyen, à n'importe quel titre, peut répondre à l'assistance à personne en danger en l'absence de ces applications de la loi. Donc on ne peut pas vous interdire de partager un bout de pain ou même d'ouvrir votre porte, parce que avant tout, c'est un dû républicain qui n'est pas respecté, mais en faisant preuve de citoyenneté, qui est peut-être l'arlésienne dans notre République, c'est quand même une application humaine. Voilà. En gros, un petit peu ce qu'on fait. Oui ? Merci et bravo, mille fois bravo. Le 115 du particulier, le 115 officiel des pouvoirs publics, je l'ai déjà appelé et j'ai vu que ça marche pas, donc je pense que vous, c'est mieux. J'ai une question sur la place de la République qu'on va... au printemps, avoir de nouveau, j'espère, une mobilisation importante. Donc il y aura beaucoup de monde sur la place. Est-ce que vous auriez l'intention, le 115 du particulier, de participer en tenant régulièrement ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un stand ? Est-ce que vous reviendrez ? Est-ce que vous reviendrez souvent ? C'est ma question. Alors en fait, je dis pas non et je dis pas oui à la fois. Le problème, c'est qu'on a la gueule dans le guidon toute l'année, on baisse pas les bras. Parce que justement, les SDF, ça barre jamais en vacances. Et c'est pas qu'on marche au feeling ou quoi que ce soit, puisque la dernière fois que je suis venu à République, j'y suis resté un mois avec le DAL. On a réussi à loger 250 familles, mais aussi 43 mineurs qu'on avait en charge. Et ça a été un petit tour de force. Je crois qu'on a enrhumé la place sur la moitié. Et je me rappelle avoir créé un restaurant juste en face et où on faisait la bouffe tous les jours là-dedans. Mais pourquoi pas? Maintenant, repartir sur un délire comme ça, moi je suis open. Je suis open parce que, en fait, là aujourd'hui, c'est pareil, on fait le grand écart un peu partout. On aide. On aide l'auberge des migrants, on aide aussi Utopia 56, on aide ces associations qui viennent en aide aux migrants, bien sûr. Mais les migrants, c'est comme les SDF, ça fait partie du paysage de la rue, ça fait je veux dire, c'est la détresse humaine dans toute sa splendeur. Et je crois qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas besoin de carte de séjour pour se la prendre dans la gueule, la misère. Donc systématiquement, je crois que on peut peut-être pas être partout, mais on essaye d'être partout. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des... Voilà. Donc, une petite question. Du coup, concernant les chalets que vous construisez, est-ce que vous êtes en lien avec les collectifs qui construisent des tiny houses ? Est-ce que c'est en lien direct ou en lien indirect ? Parce que du coup, eux font quand même un plutôt bon boulot, même s'ils vendent les tiny houses après. Mais du coup, ils ont peut-être quelques conseils de pratique de construction ou de matériel peut-être à échanger ou à se filer. Alors en fait, c'est vrai que la tiny house, c'est quelque chose de très sophistiqué, mais qui n'est pas vraiment destiné aux sans-abri. Maintenant, leur technique, je pense qu'on les a, puisque nos chalets sont réalisés par des professionnels. D'ailleurs, on en a un là qui est en train de distribuer la soupe de l'autre côté. C'est un menuisier charpentier qualifié. On en a trois comme ça. Là aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à développer, c'est un produit qui bon an mal an va peut-être revenir à moins de 10 000 euros. Et quand on sait que, par exemple, un logement social coûte entre 100 et 120 000 euros à une commune, les mecs, pour 100 000 balles, ils vont avoir 5 logements et puis voilà, ils vont pouvoir les planter n'importe où et avec très peu d'entretien, parce que la particularité de nos chalets, c'est qu'ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux solaires, il y a un circuit d'eau qui se fait en 12 volts, il y a une douche, il y a des toilettes sèches, il y a une mezzanine, enfin bref. Ça, c'est pour le proto deux personnes. Le menuisier, il est derrière, là. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est développer trois modèles, c'est-à-dire un pour deux personnes, un pour quatre personnes et un pour six. Alors, dire qu'il est mobile, oui, mobile parce qu'il peut se déplacer d'un point à un autre lorsqu'il est dans un enclos ou dans un terrain. Mais contrairement à la tiny house, ça sera difficile de prendre la route avec, parce qu'il est hors de question de répondre à des normes routières, on s'en branle. Parce que le but du jeu, c'est d'abriter, c'est pas de répondre à des normes qui vont nous faire perdre et qui vont nous épuiser complètement. Alors bien sûr, les trucs, ils vont être basiques, mais ils vont répondre à toutes les normes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que les techniques des tiny house, les mecs, je sais pas si tu sais à quoi ça ressemble, mais moi j'en ai visité pas mal au States. J'en ai vu ici en France. Bon, faut des sous, quoi. Faut vraiment. Pardon ? 17 000 euros, la tiny house. Ouais, 17 000, c'est le minimum. C'est le minimum. Parce que là, t'as des baraques, des fois, qui dépassent les 100 000 balles, hein, qui sont sur roue. Hein. Donc, nous, notre objectif, c'est pas du tout ça. Hein. C'est de faire des trucs qui soient fonctionnels, à bas prix, accessibles pour tous. D'ailleurs, on voulait développer, à un moment donné, un parc de location de ce truc-là, tout simplement dédié à des collectivités locales, des fois qui sont touchées aussi par des intempéries, des trucs comme ça. Et là où on habite, nous, en Sud-Seine-et-Marne, Nemours par exemple, ou Soupe-sur-Loing, on subit des dégâts des eaux terribles, et là encore, près d'un an après, les mecs ils sont encore à la rue, ils sont encore en train de se chercher des logements, et c'est la course entre les gymnases, c'est la course entre les centres d'hébergement d'urgence. En fait, ils sont en train de surcharger déjà ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils peuvent se poser le temps de avec le chassé-croisé des assurances pour pouvoir être, je veux dire, relogé ou quoi que ce soit. Mais même, il y a certains endroits dans ces communes où les logements nécessitent une réfection tellement importante et tellement coûteuse que les trucs, ils sont même pas réparés, ils sont même pas restaurés encore. C'est-à-dire que les lascars, ils sont destinés à vivre encore dehors. Alors le pire, c'est que là-dedans, t'as quand même des gens qui bossent. Ce qui me fait aussi rebondir sur un chiffre aussi qui est quand même intéressant, qui concerne la rue. D'ailleurs, c'est venu, la colère du 115, elle est venue de là un peu. C'est qu'en en février 2012, il faisait moins 10, moins 15. Et un jour, je tombe sur une information. Un mec qui calanche dans sa bagnole, dans une 205, il est mort de froid, alors qu'il bossait. Alors là, moi, j'ai rien compris, parce que je suis complètement marginal, surtout qu'à l'époque, fallait pas du tout me parler de mine, ni quoi que ce soit, mais je comprenais pas. Le mec, il tapine, il avait pas assez d'oseille pour se payer un toit et bouffer en même temps. Je crois que pour faire... Enfin, il y a quelque chose qui va pas bien, là. Et moi, j'ai poussé une colère, qui suis pourtant marginal. Je me dis, merde, putain, ça fait des années que je prends des coups de marteau dans la gueule pour rentrer dans moi. Dans ce qu'on appelle la légalité, l'honnêteté. Et puis en fin de compte, voilà le résultat de l'honnêteté. Maintenant, on va enchaîner sur un autre chiffre, c'est 1 sur 4. C'est 1 SDF sur 4 en France qui bosse. Et 1 sur 4 qui dort dans une cave ou dans une bagnole. Donc là, il y a vraiment un gros souci, quoi. Parce que quelque part, sans faire de pouce au crime, je serais presque tenté de dire au mec... lâchez votre pelle et votre truelle, achetez-vous un calibre et puis allez braquer une banque. Dans le meilleur des cas, tu profites de l'oseille. Et dans le pire des cas, tu vas au placard, t'as à bouffer et un toit sur la gueule tous les jours. On devrait même en faire la règle. Oui, je voulais vous demander si, sur la base des deux articles que vous avez évoqués tout à l'heure, vous avez mené des actions en justice ou aidé à les mener. Et ça tombe bien parce que je suis en train de lourder un maire, là. Ça tombe bien, je suis en train de lourder un maire, c'est le maire de ma commune. Ouais. Parce que il y en a beaucoup qui règnent sur des petites communes de 400 ou 450 habitants et qui s'imaginent régner sur Dallas. Mais bon, c'est plutôt iophilisé, là. Et le truc, c'est que un jour, il y a... Enfin, dans notre commune, il n'y a pas grand-chose comme précaire. Mais comme on est dans le rural, nous... On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de précaires, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec un minimum. Et puis, une fois qu'ils ont pris la CAF et tout ça, ils n'ont pas nécessairement l'oseille pour mettre dans le frigo. Et il y a une petite dame, là, de notre commune, qui s'est retrouvée dans la merde. Et qui a frappé à la porte de la mairie via le CCAS. CCAS, c'est les centres communaux, machin, et tout. Figurez-vous que les mecs, ils savaient pas trop comment gérer ce truc-là. Et puis, ils ont carrément fait un appel à la générosité, mais à travers un canard, avant d'avoir épuisé l'institution, quoi. Je veux dire, tout ce qui était mis à disposition, normalement, pour les précaires. Et ça a été sa grosse erreur à l'autre, parce que j'ai réussi à le faire inculper, là. Donc, les CCRS, ça sert à ça, en fait, à base. C'est répondre justement à ces soucis, mais le problème des petites communes, c'est qu'ils ne sont pas formés. Et même les grandes communes. Bien souvent, ils jouent avec, ils tournent autour. Puis de toute façon, il n'y a pas de fonds de commerce derrière les fonds que c'est seul en France. Déjà, simplement les logements sociaux, il n'y en a pas. Et puis le 1% patronal, il sert à que dalle, ou à faire autre chose. Et puis voilà, quoi. Et puis même en matière de bouffe, là, moi je vois par exemple. Nous, on est une petite association pas du tout subventionnée. On a à peu près 700 familles en dépendance en distribution alimentaire. On fournit le CCS justement de soupe, là où il y a les victimes du dégât des eaux, là, des inondations. Toutes les semaines, on remplit trois chambres froides pour filer à bouffer à ces gens, quoi. Et on tient qu'avec la bif, qu'avec les collectes alimentaires qu'on réalise, et puis des machins comme ça, quoi. Mais encore une fois, c'est vrai que si on actionnait un recours en justice générale à l'échelle nationale, on pourrait révoquer la plupart des maires de France. C'est faisable ? Le problème avec l'Action française, c'est qu'il faut que ça soit local. C'est pareil, tu vois, avec les morts de la rue, c'est facile de dire, ben voilà, il y a non-assistance à personne en danger parce qu'il les laisse crever. Au vu de ces lois-là, systématiquement, on peut s'imaginer que la loi n'est pas du tout appliquée. Donc quelque part, si on va porter le deuil parce qu'il y a un décès quelque part, il faut que ce soit local. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un décès là sur la place de la République, ben, il faudrait aller attaquer la mairie du 3e et puis lancer un débat. Mais après, il faut trouver les avocats qui courent là-dedans et toute la queue. Normalement, c'est les proches pour les morts qui peuvent engager l'action. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, le mec qui est SDF, s'il avait des proches, il y serait peut-être pas. Donc là, systématiquement, comme le mec, il est un peu lâché par le système, mais il est lâché aussi par sa famille. En général, c'est un lascar qui se trimballe une gamelle familiale, professionnelle ou même, je sais pas, moi, administrative ou quoi que ce soit. Donc si le mec, il se retrouve à la rue, c'est qu'il est lâché quelque part. Et puis, non, il faudrait tirer les oreilles à la Constitution et puis leur expliquer que ben c'est facile de dire nul n'est censé ignorer la loi, mais de dire aussi que ben, ceux qui nous disent de faire les choses, faut aussi qu'ils les fassent et qu'ils les appliquent autant que nous. Le problème, c'est que nous, on va griller un feu, il n'y a pas de souci, mais eux, ils ont le droit de faire crever les gens, donc quelque part, il y a mal donne. Mais c'est pas le même tribunal, c'est les assises. Bah, je peux peut-être vous dire, on a de la soupe aussi, nous aussi, c'est moins cher qu'en face. Hein. Moins cher quand même. Tu nous emmènes visiter des calendriers aussi. Tu nous emmènes visiter le chalet. Ah mais le chalet, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est juste un truc pour dealer la soupe. Hein. Ah d'accord. Oh non, mais on peut mettre un plumard, remarque, tu me diras. Non mais, attends, on peut peut-être faire parler le menuisier là, tiens. Il fabrique les boîtes aussi en sapin. Les boîtes en sapin. Oui, c'est pour ça. Bah, dis ce que tu fais. Comment tu construis et quel matériel tu as besoin. Je suis en 115 et puis voilà quoi. Je suis encore grand en 115, c'est pas bon. Je suis arrivé il y a un mois et demi. Le mieux, c'est de faire la démonstration réelle du chalet. Mais il y en a un qu'on peut visiter. Le chalet. Ouais. Ouais, bah, par contre, c'est sur le site aussi. Comment. C'est sur le site. Il est où. À Villebéon. Il est dans le 77. Ah oui, ça fait un peu loin. Mais du coup, j'essaierai de venir avec un ami. Non, mais faut venir. Et puis, tu sais, après, on mange tous les midis là-bas. On est design entre 10 et 15. Faut venir un samedi ou un dimanche. Puis, faut nous prévenir à l'avance. C'est juste l'idée de venir faire un petit reportage pour qu'on puisse voir. On prépare ça. Et puis, Il n'y a pas de souci. Du coup, de toute façon, Adèle a vos contacts. Ouais, il doit avoir celle de la Brenne. Et puis, il me semble que tout à l'heure, je lui ai donné une carte. T'en veux une de carte ? Je vais t'en donner une aussi. Ça va être carte. Ça ne représente aucunement le peuple. Et il est temps. Mince. Il est temps qu'on prenne justement le pouvoir. Aujourd'hui, on peut, il y a plein d'autres pays où la dictature, elle est 10 fois pire, où les peuples ont repris le pouvoir. En France, on peut le faire. On peut le faire, on descend tous dans la rue. Après, je dis pas d'aller buter tuer les sénateurs ou d'aller tuer ces gens-là. Je suis pas de ce style-là. Mais on va dans la rue, on va reprendre l'Assemblée nationale, tous ces pourris-là, on les fout en prison. Tous ces sénateurs-là, ils vont en prison. Tous ceux qui n'ont pas de casier des verges, ils vont même pas au présidentiel, ils vont même pas aux députés. Et même tous ceux qui ont volé de l'argent au niveau député, moi ce que je leur dis, c'est vous nous rendez notre argent. Parce que leur argent, c'est nous qui le faisons. C'est nos contributions. C'est nous qui les payons. Donc vous nous rendez nos thunes et vous barrez en prison et vous restez en prison, bande de pourriture. Voilà. Merci Boris. Donc Francky. Ouais, il a réussi. Bon. Eh bien, déjà, première chose, déjà, ça me fait plaisir de voir tous ce soir, vous êtes tous, on n'est pas beaucoup, mais en tout cas, ça fait énormément plaisir de vous voir. On est 60 millions sur Terre, mais...